le directeur du département des traités et règlements auprès du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, a publié le 22 courant un entretien contre les États-Unis et leurs suivistes qui ont mis en cause notre essai d'explosion d'ogives nucléaires comme menace et provocation contre la paix et la sécurité du monde et instigé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une nouvelle résolution de sanctions anti-République populaire démocratique de Corée. En voici le résumé. Nous condamnons catégoriquement la résolution de sanctions numéro 2321 du Conseil de sécurité de l'ONU comme un dossier criminel dépourvu de toute légalité, car c'est une violation grossière de la souveraineté de notre République. La clause 51, droit d'autodéfense de la Charte de l'ONU, et la clause 12 du Manifeste sur les droits et l'obligation de l'État stipulent clairement que chaque État possède le droit autodéfensif individuel ou collectif. Mais en mépris des droits internationaux comme la Charte de l'ONU et le Manifeste sur la non-ingérence contre les autres nations, les États-Unis mettent en cause notre droit de légitime défense tout en recourant à la sanction contre notre République. Rappelons que les États-Unis et leurs suivistes avaient déjà mis au point la résolution de sanctions numéro 2270 au Conseil de sécurité de l'ONU dans le but d'étouffer et d'isoler notre République et cette fois, ils ont adopté la résolution de sanctions à vocation blocus qui interdit universellement la voie maritime sans parler de nos commerces et coopérations scientifiques et techniques en abandonnant même l'enseigne hypocrite du passé qui excluait les activités économiques relatives à la vie de la population. Le traité de Londres sur la définition de l'agression et la résolution de la 39e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la définition sur l'agression, stipule que la sanction de type blocus contre un État souverain à l'époque pacifique constitue un acte d'agression illégale. La résolution de sanction du Conseil de sécurité de l'ONU est donc un crime anti-humain correspondant au crime de guerre. L'Organisation consultative juridique d'Asie et d'Afrique et l'Union des juristes arabes condamnent la sanction à vocation blocus de l'ONU comme arme d'extermination massive puisqu'elle est elle-même une forme de guerre livrée par quelques pays prétendant représenter le Conseil de sécurité de l'ONU au nom de la paix et de la sécurité mondiale. Ce qui est surtout intolérable, c'est que les États-Unis et les forces hostiles ont, par leur résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, annulé complètement la clause même sur l'interdiction du blocus maritime, dernier article de l'accord d'armistice de Corée qui restait à peine jusqu'à présent. Le paragraphe 15 du deuxième article de l'accord d'armistice de Corée indique que l'accord d'armistice en question correspond à toutes les forces armées maritimes en état de belligérance, que de telles forces armées maritimes respectent la surface maritime contiguë au sol coréen sous contrôle militaire dans la zone démilitarisée et adversaire, et que toutes sortes de blocus contre la Corée sont interdites. À cause de la dernière résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU qui a détruit complètement les dispositifs juridiques et institutionnels contre la guerre et les conflits armés, et qui n'est autre qu'une déclaration de guerre, il ne reste dans la péninsule coréenne que la guerre des feux contre les feux. Les États-Unis et les pays qui ont pris part à la fabrication de la résolution de sanctions à leur instigation prendront entièrement la responsabilité de toutes les conséquences qui en découleront.